Chapitre 3. Un dîner de famille. Monsieur le curé, un petit trou ? Ce n'est pas de refus, dit le prêtre en tendant son verre à monsieur Desnoux. Le notaire, qui était membre du conseil de fabrique, recevait ses collègues, Varin le pharmacien, Mignet le mercier, Le Meignot, gros propriétaire, et Pigeon, un ancien épicier retiré des affaires. Monsieur le curé Cardine avait été naturellement invité. Pas de dame, si ce n'est la maîtresse de maison. Un dîner de famille, avait dit le notaire. À 6 heures du soir, à la sortie des vêpres, on s'était mis à table. Les plats défilaient interminablement. Rien de recherché, de bonnes grosses cuisines de campagne. Le potage, le bouilli, un rôti de veau, un poulet à la sauce blanche, un lièvre, des perdrix au chou et un énorme dindon. On sortait de faire le carême et madame Desnoux n'avait pas voulu donner un seul plat de légumes ou de poisson. Elle était fatiguée du maigrage. Quels estomacs solides! Tous mangeaient de tout, et entre chaque service, pour faciliter la digestion, une bouteille de vieille eau-de-vie de cidre faisait le tour de la table pour faire un trou. « Oui, cher monsieur Desnoux, disait Pigeon, si cela continue, on ne sait pas où cela s'arrêtera. Il est de fait que l'on n'a jamais vu ça. Grâce à l'instruction que l'on donne maintenant, on ne croit plus à rien dans nos campagnes. » « Moi qui vous parle, reprenait Varin, j'ai habité Paris, lorsque je suivais mes cours de pharmacie. Jamais, entendez-vous, jamais, je n'ai vu dans la jeunesse un dévergondage pareil à celui des gamins du bourg. »« Vous exagérez le mal, dit le curé. »« Vraiment ? S'écria le mercier. Savez-vous que le petit Laplace, le fils du peintre, a osé se promener dans le bourg le 14 juillet avec un bonnet phrygien ?»« C'est d'un faible dévergondage, répliqua doucement l'abbé Cardine. » qui souriait de la naïveté du mercier. « J'aime mieux, ajouta-t-il, voir un bonnet phrygien sur la tête des enfants que des oreilles d'âne. »« Oh, vous, monsieur le curé, vous êtes un communard !» Et le Meignot, qui jusque-là n'avait rien dit encore, riait à gros éclats de son bon mot. « Enfin, messieurs, dit le mercier, une chose est évidente, c'est que sans religion, pas d'honnêteté. Jamais, autrefois, un domestique n'eût osé voler quelque chose. Il lui aurait fallu s'en confesser. » Maintenant, ça lui est bien égal. Ainsi, le pantalon de madame Desnoux... Interrompit le notaire. Quoi ? Mais oui, c'est bien l'une des lessivières qu'il l'a pris. On n'aurait jamais vu ça autrefois, jamais. N'accusons personne, monsieur, dit madame Desnoux. On ne sait rien. On ne sait rien, on ne sait rien. Si, on en a causé dans le bourg. Et on se doute. Vous avez là parmi vos ouvrières une fille qui ne vaut pas grand-chose. Et c'est comme je le disais tout à l'heure... Tout se tient, sans religion, pas d'honnêteté. Mais si, interrompit le curé, ça s'est vu. Enfin, j'ai mes idées. Une des lessivières, cette fameuse Jeanne, n'a pas de conduite. Elle est coquette et pour sûr... Et le notaire toussait d'une façon extravagante. Le sang lui montait à la tête. Vous accusez cette personne d'inconduite, reprit l'abbé. Elle ne pratique pas, c'est vrai. Mais je n'ai jamais entendu dire cela d'elle. Vous n'êtes pas charitable. « Je sais ce que je dis. Il y a au Valsemé certains petits domestiques. Tout se tient, je vous l'ai dit. Eh bien, Laplace, celui qui avait un bonnet phrygien, il est au mieux avec elle. Je l'ai vu sur le bord de la Vivane. »« Assez sur ce chapitre, dit le curé. Assez. Mais qu'avez-vous, mon cher Desnoux, vous étouffez ?» Maître Desnoux étouffait positivement. La quinte de toux redoublait et son visage était apoplectique. « Ce n'est rien, dit le notaire troublé, j'ai avalé une arête. » « De quoi ? S'écria le curé. On en était au fromage. » Tout le monde se mit à rire, madame Desnoux et son mari lui-même. Les nombreux trous avaient, d'ailleurs, produit leur effet. L'abbé Cardine, voulant détourner la conversation d'un sujet scabreux, se mit à raconter des discussions avec le maire du bourg, à propos d'un cochon que ce brave homme, qui était charcutier, lui avait vendu, moyennant 30 messes à dire pour le repos de l'âme de sa défunte. Comme il avait tué le cochon, ce qui n'était pas dans le traité, il réclamait 2 messes de plus, d'où conflit. Et pendant la fin du dîner, il ne fut plus question que de cette histoire racontée avec belle humeur par le curé. Seul M. Desnoux était triste, ne disait mot. « Qu'a donc notre cher Desnoux ? Dit Pigeon. « Ce qu'il a, reprit le curé, il se fait tard. Desnoux voudrait rester seul avec sa femme, et ça se comprend. » Quand le curé et les 4 membres du conseil de fabrique furent dans la rue. « De bien braves gens, les Desnoux, dit l'épicier Pigeon. »« Et si honnête, répondit Varin. »« Et pas fier, reprit le Meignot. »« Sans cérémonie, bégaya Mignet. Oui, murmura l'abbé Cardine, c'est un ménage bien uni. Et quel caveau! Ils s'en allaient sur un seul rang, dans l'unique rue du bourg, éclairée par la lune et coupée des ombres que projetaient les cheminées. Leur silhouette noire vacillait falote. M. Desnoux, à la fenêtre de sa chambre, les regardait s'éloigner. Et il songeait à ce que, pendant le dîner, Mignet avait dit de Jeanne et du petit Laplace au sujet du pantalon. Il s'oublia jusqu'à dire à mi-voix « On verra ». « Quoi ?» demanda Madame Desnoux qui marchait par la chambre. « Rien, ma chérie, je suis pressée de me coucher. » « Laisse-moi toujours faire ma prière. »« C'est juste, » dit le notaire qui se plongea dans sa rêverie. Dans la chambre, Madame Desnoux, voyant cette impatience de son mari, allait, venait, se déshabillant, avec des remuements de lèvres et des signes de croix. Et comme le notaire entendait un clapotement, « Un brave homme, notre curé, n'est-ce pas ?» Mais sa femme lui répondit avec humeur, « Ma prière n'est pas finie. »